coup d'envoi de la dernière émission Coup de cœur de cette quatrième saison. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la 145e vedette de la chanson que nous mettons à l'honneur. Serge pour vous accompagner pendant une heure. C'est parti. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Si vous étiez à l'écoute de l'émission la semaine dernière, pas de problème. Si vous êtes fan de l'artiste, ben vous connaissez également. Par contre, il n'y a quand même pas de paroles, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de chant, il n'y a rien. Donc, de qui s'agit-il ? Alors, depuis les années 70, Catherine Lara, c'est d'elle dont il s'agit, est une figure importante de la chanson française féminine, on peut pas dire le contraire. Issue du classique, elle se tourne vers un répertoire au contour électrique et développe une carrière qui mêle tubes et échecs. Chanteuse au tempérament persévérant et passionné, c'est une artiste qui cultive la franchise et l'humanité. On en parle pendant l'heure à venir. Petite par la taille, mais grande par son talent, Catherine Baudet, dite Catherine Lara, est née en mai 45 à Poissy, dans les Yvelines. Elle est auteure, compositrice, interprète, arrangeuse et productrice. C'est la fille de parents violonistes et pianistes. Son père est médecin de profession et elle étudie le violon dès l'âge de 5 ans. Son succès au conservatoire l'amène directement au Conservatoire National de Paris à partir de 1958. Élève douée, mais un peu rebelle. Elle se fait déjà remarquer par un tempérament artistique enthousiaste et curieux, à tel point que l'univers du classique lui semble parfois trop sévère et trop étroit pour assouvir sa soif de découverte musicale. Ses prestations scéniques en tant qu'élève sont fantaisistes et exubérantes. Ceci ne l'empêche pas de décrocher le deuxième prix de violon en 1965 et l'année suivante, le premier prix de musique de chambre. Musique de chambre, c'est pas quelque chose de très joyeux. Hein. Donc tout semble aiguiller la jeune fille vers une carrière classique. Elle intègre la formation des musiciens de Paris, avec laquelle elle donne de nombreux concerts pendant plusieurs années. En 1968, la Fondation de la Vocation lui décerne le prix du meilleur violon solo. Mais parallèlement, Catherine se taille une petite place dans le milieu de la chanson, en accompagnant au violon quelques grands noms, dont Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Juliette Gréco ou encore Claude Nougaro. Elle accompagne même ce dernier avec son propre quatuor, le quatuor Lara. Pendant cette période de transition entre deux univers, Catherine mène de front plusieurs expériences. Outre son quatuor, elle joue dans des orchestres symphoniques, fait également la première partie de Jean Ferrat avec les musiciens de Paris en 1970, et se met à la composition de ses propres chansons. Elle coécrit également deux chansons avec Barbara sur l'album « Amours incestueuses » en 1972, et durant cette même année, elle écrira la musique de « T'as pas le temps », une chanson d'inspiration néoclassique qui connaît un succès que l'on peut qualifier d'éphémère. On fait une première pause musicale dans ce coup de cœur, Catherine Lara. Je l'ai citée il y a quelques minutes, Nana Mouskouri, l'occasion de la retrouver, c'est bon la vie. C'est Denise Glaser qui découvre Catherine Lara et la soutient en l'invitant dans son émission dès 1972 pour la sortie de son premier album Ad Libitum sur des textes de Daniel Boublil. Elle compose également la musique du docteur Françoise Gaillet en série en 1975 et en 1977. William Scheller lui rend hommage dans une chanson de son album Symphomane. Alors, plein d'activités différentes, notamment elle participe à l'album Conte de Traviole de Richard Gottener en 1979. Mais à partir de l'album Coup de fil en 79 toujours, fil D'F-E-E-L, sa musique s'affirme délibérément rock. Elle apparaît cheveux courts et torse nu sur la pochette de Geronimo en 1980, puis en cuir pour la roqueuse de diamants, imposant un look audacieux et libéré. La roqueuse de diamants, c'est vraiment son premier grand succès. Et puis, cette chanson que William Scheller a écrite tout spécialement pour elle, ça s'appelle Catherine, on l'écoute juste après. Cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Attends-moi demain, je qu'il en est qui s'étonne parfois. Si différents qu'ils nous connaissent. Nous savons, toi et moi, que rien ne presse. Ils comprendront plus tard, je crois. Attends-moi demain, je reviendrai peut-être jeter des cailloux le soir. Rejoindre une émission coup de cœur consacrée à Catherine Lara qui fait bien sûr la part belle au violon. Quoi vous dire ? On est maintenant en 1983, après l'immense tube de la roqueuse de diamants qu'on écoutait il y a quelques instants. C'est une expression déjà qui va lui coller à la peau et l'imposer comme une des reines des tops, hein, ce titre. Elle a fait un passage triomphal au Zénith de Paris également, mais il faut qu'elle travaille sur de nouvelles compositions. Donc je vais vous parler, on va revenir sur un titre qui s'appelle « Nuit magique », des propos qui ont été livrés par Fabien Lecoeuvre. C'est à cette époque qu'elle rencontre après un concert à Lausanne un jeune pianiste originaire du Chili qui s'appelle Sébastien Santa Maria. Catherine Lara et Sébastien sympathisent et décident de travailler ensemble. Ils vont ainsi créer plusieurs chansons, toutes assez rythmées quand même. Au moment de terminer l'album, ils imaginent en 5 minutes une petite mélodie très slow. Catherine, qui a déjà tous les titres de son futur album, n'a pas l'intention d'en rajouter un, et surtout pas un slow qui ne serait pas cohérent avec le reste. Elle fait quand même enregistrer cet air sur une cassette qu'elle emporte avec elle dans son sac pour la faire écouter à son ami Luc Plamondon, qui l'accompagne ce jour-là sur un concert en province. Quelques heures plus tard, après le spectacle, il lui révèle qu'il la trouve très jolie. Je parle de la chanson. Catherine et Luc se retrouvent dans le restaurant de l'hôtel et évoquent leurs souvenirs communs. Bien souvent, c'est avec nostalgie qu'ils pensent à leur nuit inoubliable à Montréal au moment où ils se sont connus. À cette époque, Luc et Catherine avaient leurs habitudes dans un club qui s'appelait justement la Nuit Magique. En se rappelant de tout cela, Luc dit à Catherine Lara, sur la mélodie que tu m'as fait écouter cet après-midi dans la voiture, je vais écrire un texte qui s'appellera Nuit Magique. Et grâce aux merveilleuses paroles que lui a écrites Luc Plamondon, Catherine Lara finit par se résigner à enregistrer le nouveau titre. Ainsi est né ce slow de 3 minutes 55 qui sort au printemps 1986 et devient très rapidement un énorme succès. Catherine confie alors, je la cite, « Je n'en reviens jamais. Chaque fois que j'entends le titre à la radio, ça me fait un coup de cœur. » C'est le cas de le dire, c'est notre émission. Elle n'est pas seule à avoir ce coup de cœur pour le titre, comme elle peut le constater lors de ses concerts à l'Olympia, notamment du 26 septembre au 5 octobre 86, où des milliers de gens reprennent en chœur Nuit Magique. Grâce à ce titre et à l'album du même nom, Catherine est nommée meilleure interprète féminine aux Victoires de la musique. partageons nos passions sur Fadjet. Toujours en 1983, Catherine Lara donne deux concerts à l'Olympia. L'album Flamenrock sort, lui, en 1984. Il est écrit et composé en compagnie de la même équipe que l'album précédent. Et puis ensuite, elle joue sur la scène du Zénith de Paris en 85. En 86, nouvel album, Au milieu de nulle part, écrit par Sébastien Santamaria et Luc Plamondon. La chanson-titre devient un grand tube. Catherine Lara est alors consacrée meilleure interprète féminine aux Victoires de la musique. Et le clip reçoit une caméra d'or au Festival de Cannes, s'il vous plaît. En 1987, elle publie une autobiographie qui s'appelle « L'aventurière de l'archer perdu ». La chanteuse retrouve Sébastien Santamaria pour la composition de ses deux albums suivants, les titres « À travers les autres » en 1987 et « Rocktambule » en 1988, dans lequel Bernard Lavillier, travaillant également avec le jeune musicien, est invitée pour un duo. Dans ce dernier album, elle rend hommage également à Daniel Balavoine avec un titre qui s'appelle IEO. Les années 80 de la chanteuse s'achèvent à l'Olympia en 1988, concert retracé notamment dans un album live, Lara Live. On va écouter Catherine et Bernard, ou si vous préférez Lara et Lavillier, entre Désert et Désir, puis un petit coup d'œil à Daniel Balavoine, la Ziza bien sûr. Jet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Fadjet sur internet www.fadjet.net. www.fadjet.net. Cette adresse, elle vous est indispensable si vous voulez pianoter sur votre smartphone, votre ordinateur, pour retrouver tous les animateurs, toutes les émissions de la station 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien sûr les podcasts. On revient à notre coup de cœur, Catherine Lara. Depuis 1990, une carrière qu'on peut qualifier de plus discrète. Notamment un projet ambitieux d'opéra rock romantique qui a abouti en 1991 avec la sortie de l'album « Sans délai romantique » sur des textes de Luc Plamondon et une musique d'Eddie Rosemont et de Catherine Lara également. Elle y tient le rôle de Georges Sand, entouré de Claude Lauzana dans le rôle d'Alfred de Musset, Véronique Sanson qui sera Marie Dorval, Richard Cocciante, Frédéric Chopin, Daniel Lavoie, Eugène Delacroix et Morane, la muse de la musique. Le spectacle est mis en scène par Alfredo Arias au Théâtre du Châtelet en 1992. Quoi dire d'autre ? Eh bien que Catherine Lara soutient les Restos du Cœur, le Cid Action et également Solancy. Elle est en outre l'une des rares artistes françaises à s'exprimer publiquement sur son homosexualité. On y reviendra en fin d'émission. À partir de Maldon, en 1993, c'est le titre de l'album, Jean-Jacques Thibault écrit les paroles de ses chansons. Elle crée en 1996 le générique de Terre Indigo, avec Roger Louret pour les textes, et l'arrange l'opéra de Georges Bizet à l'Arlésienne, qui était joué aux Folies Bergères en 1997. Un peu en perte de vitesse sur le plan discographique, Catherine Lara continue de multiplier les expériences artistiques. C'est ainsi qu'au printemps 99, elle se transforme en animatrice d'une émission de variété à la télévision. Il faut dire qu'elle avait déjà animé pendant plusieurs années une émission de radio. Et ses nombreuses amitiés dans le milieu artistique lui ont permis de réunir de prestigieuses affiches. La chanteuse fait son retour discographique avec Aral au début des années 2000. Mais pas de texte, pas de chant, pas de voix, à part quelques chœurs, sur cet album entièrement instrumental. Mystique et énigmatique, ce disque ne remporte guère de succès en dépit d'une forte promotion sur TF1. Également, le soutien de Zazie qui était auteur de quelques lignes de la pochette. On va écouter un extrait, c'est le titre éponyme, Aral, donc uniquement instrumental. On se retrouve dans quelques minutes. Thank you. Catherine Lara a été faite chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1990, puis chevalier et enfin officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur. En 2004, elle compose et publie le spectacle musical Graal, qui sera certifié or. L'auteur Jean-Jacques Thibault en co-signe les textes. Les interprètes Pablo Villafranca, Pascal Laffa et Kurt Close apparaîtront entre autres dans le casting. En 2007, Catherine Lara se produit dans plusieurs villes de France pour présenter en concert son dernier album studio sorti en 2005, Passe-moi le ciel, ainsi que l'album film Behind the World qui sortira sous le titre Au-delà des murs en mars 2009, puis une scène parisienne en juin 2009 au Palais des Sports de Paris où plus de 3000 personnes se sont donné rendez-vous pour une soirée exceptionnelle. 2010. Eh bien, c'est le début d'une longue série de concerts. Catherine, qui voulait absolument aller vers son public, a réalisé un tour de France, Bretagne, Normandie, PACA, Nord, Lorraine, Alsace, Centre, Aquitaine. Un nouvel album chanté qui fait la joie des inconditionnels de Léo Ferré fut enregistré pendant l'été 2010 pour une sortie en mars 2011. La tournée de Catherine Lara l'a menée notamment deux soirs à Paris sur la scène mythique de l'Alhambra. S'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. forêt du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. Cet extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. Cet extra, cet extra, cet extra. Allez, on vient sur la carrière de Catherine Lara, la partie la plus récente cette fois-ci. Sachez que le 14 mai 2011, elle a présenté le concours Eurovision de la chanson avec Laurent Boyer sur France 3. En 2012, participation à la tournée H Tendre et Tête de Bois, saison 7. En 2012 toujours, elle a sorti un disque au cœur de l'âme yiddish, disque où elle reprend quelques-uns de ses plus grands succès, entourée de musiciens yiddish, le Sirba Octet. En 2013, elle a donné deux concerts à l'Alhambra, bien sûr à Paris, affichant complet, et en plus une date en banlieue parisienne. Depuis 2014, sachez qu'elle signe la bande originale des épisodes que vous pouvez voir à la télé de Capitaine Marlowe, qui était sur France 3 et qui a basculé sur France 2. Depuis 2015, elle fait partie à titre bénévole également du conseil d'administration du théâtre de Poissy. Elle a plein d'activités. Mars 2018, elle crée le spectacle Beau, B-O accent circonflexe, le voyage musical au théâtre Le 13e Art à Paris. Et c'est en 2020, alors pour ses fans, c'est pas une bonne nouvelle, elle fait une tournée pour fêter ses 50 ans de carrière, ça c'est une bonne chose, mais elle fait également ses adieux à la scène. Et le 31 décembre 2020, elle s'est vue décerner le grade de commandeur à l'Ordre National du Mérite. On revient avec un extrait de cet album de 2012, T'as pas le temps. T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir. Prends le temps, donne tout le temps que tu as. T'as pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps démesuré. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Les airs ont changé, au milieu de sabliers. T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir. Prends le temps de donner tout le temps que tu as. T'as pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps de mesurer. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Soleil ensommeillé, les sommeils ensoleillés. Allez, la dernière partie de ce coup de cœur consacré à Catherine Lara, on va parler un petit peu de sa vie privée. Et pour mieux comprendre, on va écouter la chanson Autonome, qui date de 1983, dans laquelle elle affirme le fait d'être lesbienne. Féministe convaincue, Catherine Lara est une des premières stars à avoir fait son coming out en France. Au-delà de la chanson Autonome, dont je viens de vous parler, elle s'affirme en 1986 lors de l'émission Mon Zénith à moi. En effet, interrogée par l'animateur Michel Denisot, je vous traduis sa question. « Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme » dit-il. Eh bien, Catherine Lara répond « Sa femme ». Elle a été la compagne de l'humoriste Muriel Robin de 1990 à 1995. Longtemps j'ai pris ma vie comme elle vient. Et bien, c'est ainsi que se termine ce coup de cœur consacré à Catherine Lara. C'est ainsi que se termine également la 4e saison de notre émission Coup de cœur. On retrouve notre artiste en live, en public à l'Olympia, la Crée dans l'Encrier. En ce qui me concerne, encore des découvertes au cours de cette émission, des titres que je ne connaissais pas et que l'on a mis un petit peu en lumière dans la carrière de Catherine Lara. C'était la fin de cette 4e saison de Coup de cœur. Je vous sais nombreux à nous écouter. J'espère qu'on a partagé durant cette fin d'année 2022 et ce premier semestre 2023 de très bons moments. C'était le cas en ce qui me concerne. On se retrouve la semaine prochaine pour des coups de cœur d'été. Soyez nombreux au rendez-vous. Des émissions inédites pendant cet été 2023. Des émissions quasiment 100% musicales, mais toujours avec notre couleur musicale à laquelle on est fidèle dans l'esprit de coup de cœur. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente semaine. C'est encore pas les vacances, le départ en vacances pour tout le monde. Il y a encore quelques jours d'école, peut-être quelques jours de travail. En tous les cas, que ça se passe le mieux possible. Et donc, à jeudi 17h sur Fadjet 94.2. Bye bye!